All over the world. Hey, le magazine Time, ils l'ont échappé, je pense, en nommant l'homme de l'année, le pape. Pas sûr. Ils ont-ils échappé tant que ça? Il y avait d'autres choix. Toi, t'aurais mis Snowden? J'ai comme mon, ami mon numéro 2, ça aurait été Snowden. Mais mon numéro. Mais Snowden, pour moi, fait partie d'une narration plus large. D'abord, le déclin des États-Unis, on l'a dit. Mais aussi, pour moi, l'homme de l'année. Qui, depuis qu'on est né, là, quand on réfère au président américain, très souvent, on emploie l'expression « l'homme le plus puissant de la planète ». Ouais. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec le magazine Forbes, qui a nommé Obama pour la première fois comme président des États-Unis, l'homme le deuxième plus puissant de la planète. Après Poutine? Après Vladimir Poutine, qui, selon moi, est l'homme de l'année parce qu'il incarne le renouveau. Je pense que... Oh, c'est pas fou, ton affaire, le là. 17 décembre 2013, mmh. Sur le plan géopolitique, fou. La grande puissance dominante, ce ne sont plus les États-Unis. J'aime ça, ton choix, là. C'est la Russie, et on l'a vu. Hein? On l'a vu avec la Syrie. On l'a vu en Syrie quand le président Obama, au mois d'août, a dit « On bombarde, ça s'en vient, on consulte même pas le Congrès. Ah, » c'est bon, ton choix. Vladimir a dit « Non, faites donc pas ça. » Puis, il a fait un 180 degrés, ça n'a pas été long, puis il a eu l'air fou. Il a fait plier les genoux à Obama, aux États-Unis. Ouais, mais Poutine, hey, il est quelque chose. Il est en train de ramener l'esprit de l'USSR. Ah oui, avec l'Ukraine, on le voit en ce moment. Il a fait... L'histoire de l'Ukraine, là, je parlais à Jérôme juste avant, c'est pas compliqué. En Ukraine, dans la partie ouest, t'as deux tiers des gens, c'est des Ukrainiens. Puis un tiers des Ukrainiens, c'est des Russes. Ils sont surtout dans l'Est. Puis la communauté européenne économique a offert 10 milliards d'euros d'aide sur 10 ans, 1 milliard par année à l'Ukraine pour les préparer à joindre la communauté européenne. Poutine servirait de barre, il a dit, moi, je ne donnerai pas 10 milliards sur 10 ans, je donne 10 milliards là, sur la table. Si vous joignez notre équivalent asiatique, puis le président ukrainien a dit, OK, on s'en va du côté russe, on s'en va pas du côté de la communauté européenne. Non, il y a une surenchère. C'est ça, mais ça montre la volonté de puissance que ZGC. Il y a du pouvoir, là, oui. Hey, le Poutine, moi, ce qui m'a marqué également, Syrie, tu as tout à fait raison, c'est un excellent choix, là. Poutine a pris sa plume, au sens figuré, là. Il est allé écrire Obama dans les pages du New York Times. Ah, oui. Ça, c'est en relation internationale, au niveau du combat des perceptions, c'était du jamais vu. Par rapport à son discours à la nation, là, oui. Comment on appelle ça? Tout à fait. Poutine est allé écrire de mémoire. Sur les valeurs, là. Vous n'êtes pas la destinée, ben, tu sais. C'est l'exceptionnalisme. C'est ça. Vous n'êtes plus l'exception. Il remettait en cause l'exceptionnalisme américain. Qui est une notion qui est ancrée dans l'identité américaine, leur bon. Façon de se comprendre eux-mêmes. Écoute, en 2013, on a des réfugiés qui quittent le monde de l'Ouest pour aller se réfugier en Russie. On a Edward Snowden. Et n'oublions pas Gérard Depardieu, ça fait partie de l'année 2013. Ah non, c'est un excellent choix. J'y avais pas pensé du tout, mais c'est très bon, là. Ouais. Ben, enfin, c'est très bon. C'est Forbes qui l'a nommé homme de l'année. Ouais, non, c'est bon. C'est brillant. Tout à fait d'accord avec c'est justifié. On y va avec le numéro...